Durant trois jours, du 20 au 22 janvier 2005, s'est tenu à Rome un colloque international sur le thème « Saint Grégoire de Narek, théologien et mystique ». Publié par Jean-Pierre Mahé et Bogoslovan Zekian, les actes de ce colloque sont depuis peu disponibles. Pour témoigner de l'intérêt de ce colloque, nous sommes heureux d'accueillir ce matin Jean-Pierre Mahé, membre de l'Institut, parfait connaisseur de la civilisation arménienne et auteur lui-même d'un monumental ouvrage sur Grégoire de Narek. Jean-Pierre Mahé, un mot peut-être pour commencer sur la tenue de ce colloque. Où avait-il lieu et par qui était-il présidé? Eh bien, il avait lieu au Pontificio Istituto Orientale, donc qui est le collège des études orientales à Rome, et sous le haut patronage du cardinal Moussa Daoud, qui est préfet de la congrégation des églises d'Orient. Et naturellement, il y avait aussi la présidence de Monseigneur Nercès Bedros, je devrais dire sa béatitude, Bedros, qui est le patriarche des Arméniens de Cilicie, catholique de Cilicie. Alors, le colloque réunissait quelques-uns des meilleurs spécialistes internationaux de l'Arménie. Oui, on avait voulu qu'il y ait, en somme, des religieux et puis des laïcs. Alors, par exemple, nous avions un très grand spécialiste de mariologie, qui était le père Emmanuel Lannes, et puis nous avions des prélats arméniens, le prélat d'Alep, l'archevêque arménien de Vienne, et en même temps, nous avions des professeurs d'Europe et d'Amérique, par exemple le professeur Feulner de l'université théologique de Vienne, le professeur Laporta qui est à l'université hébraïque de Jérusalem, le professeur Abraham Terian qui est au séminaire arménien de New Rochelle près de New York et évidemment des Français. Oui. Alors nous ne pouvons évidemment pas rendre compte de toutes les interventions. Peut-être pouvons-nous en tenir quatre. D'abord celle de Gérard Dédéian. Eh bien, Gérard Dédéian a eu la tâche de poser le cadre, en quelque sorte, dans lequel se déroule la vie et la carrière de Grégoire de Narek. Alors, c'est l'Arménie du 10e et du tout début du 11e siècle. Alors, c'est une période qui est relativement favorable dans l'histoire arménienne parce que à cette époque, le califat est relativement faible et donc les États arméniens ont pu s'émanciper. Mais il y a quand même quelques nuages qui se profilent à l'horizon. C'est déjà, dans la seconde moitié du Xe siècle, le début de la reconquête byzantine de l'Orient et déjà l'annexion des premiers territoires arméniens. Et puis, bien entendu, derrière, encore plus loin, mais ils sont encore en Asie centrale, se profilent les Seldjoukides. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que Grégoire de Narek est lié un site prestigieux que tout le monde connaît par les images du tourisme, qui est le lac de Vent et l'île d'Artamar, où il y a cette magnifique église de la Sainte-Croix qu'il voit très probablement de son monastère de Narek, en tout cas de son oratoire, à flanc de montagne, et que ce royaume du Vaspurakan, où se situe le monastère, est d'une certaine façon très original par sa pensée religieuse à l'époque. Et par son art. Son art, évidemment, il n'y a pas d'église arménienne aussi somptueusement ornée que Artamar. Ça s'explique peut-être par l'intérêt du roi Gagik qu'il a fait construire pour l'orthodoxie byzantine et pour les images, justement. Mais au point de vue de la réflexion chrétienne, eh bien, il y a certainement une certaine émancipation de ce qui était trop scolastique, si vous voulez, trop abstrait, trop aride dans la théologie, et la recherche, d'après les sources patristiques du 5e siècle, notamment d'après Évagre le Pontique, de ce qu'on appelle l'art des larmes, c'est-à-dire la plupart du temps, si vous voulez, les discours nous laissent indifférents parce que nous sommes complètement blindés, si je puis dire, et sceptiques devant tout ce qu'on peut nous raconter. Mais si par hasard on réussit à nous rappeler quelque chose de douloureux que nous n'avons, au fond, jamais accepté, tout à coup, nous allons nous attendrir et à ce moment-là, les prédicateurs vont pouvoir faire leur action. Oui. Alors, sur le plan religieux, il y a une hérésie qui est en train de naître, qui est celle des Tondrakiens. À vrai dire, elle n'est pas en train de naître, si vous voulez, c'est la forme résurgente d'une hérésie qui existe depuis longtemps et qui se comprend très bien. Si vous voulez, on peut y voir au départ une espèce de réaction contre l'Église institutionnelle. C'est-à-dire, pourquoi faut-il qu'il y ait toute une hiérarchie, quelquefois un peu pesante? Pourquoi faut-il qu'il y ait des impôts d'Église qui sont si lourds, surtout après les invasions arabes, quand l'Église a dû se reconstituer un patrimoine? Et pourquoi faut-il qu'il y ait des sacrements, des rites qui soient si compliqués? Est-ce que ça n'était pas plus simple au temps où Jésus-Christ vivait au milieu de ses disciples? Tout le monde lui parlait directement, on priait tout le temps, le seul précepte du Christ c'était l'amour. Est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à cette époque idyllique? Alors ça, c'est le côté, si vous voulez, plaidable, en quelque sorte, de l'hérésie. Mais à côté de le ça, côté y a... noir, je dirais, c'est, dans la pratique des faits, c'est une hérésie contestataire et violente, c'est-à-dire que ils attaquent les prêtres, ils cassent les croix, ils brisent... Les ils brisent les églises, et donc... Et puis surtout, sur le plan théologique, en fin de compte, ils nient l'efficacité des sacrements, et... Du point de vue de Saint Grégoire, c'est un véritable blasphème. Pourquoi ? Ben parce que ça veut dire nier l'incarnation. C'est-à-dire le Christ ne s'est pas incarné seulement dans la personne de Jésus, mais il s'est uni par là et pour toujours. Hein, Dieu s'est uni par là et pour toujours avec l'humanité tout entière. Et par conséquent, il faut que la présence, l'incarnation, soit prolongée sur terre par l'Église. Et justement par les sacrements que dispense l'Église et qui construisent d'une façon invisible le corps mystique du Christ. Donc en réalité, d'après Saint Grégoire, bien sûr, les Tondrakiens sont tout à fait inexcusables et ce sont les pires ennemis de l'Église. Alors deuxième intervention, l'avis de Saint Grégoire de Narek, aperçu critique par Ratchian Tamrazian. Eh bien, Ratchian Tamrazian, il faut d'abord dire que c'est un très grand savant qui travaille au Matena d'Aran et qui a eu le mérite extraordinaire de retrouver les écrits du père et de l'oncle d'Anania, c'est-à-dire de ceux qui l'ont formé. Ces écrits étaient, on les croyait perdus, quelquefois ils avaient été conservés dans des manuscrits sous d'autres noms, et il les a tous identifiés, et grâce à lui, Saint Grégoire, l'œuvre de Saint Grégoire, qui était en quelque sorte une espèce de météorite, apparue dans le ciel de l'Arménie, on ne sait pas exactement comment, et est devenu quelque chose d'intelligible au point de vue historique. Mais cela dit, on est un petit peu déçu, évidemment, quand on veut raconter l'histoire de la vie de Saint Grégoire, parce qu'on dispose de tout petits colophons, et puis, alors, tout le reste qu'on voudrait naturellement connaître, eh bien, ce sont des histoires légendaires qui ont été écrites dans le Synaxaire, qui nous racontent que, par exemple, Saint Grégoire était capable de ressusciter le vendredi les pigeons qu'il avait fait rôtir pour les offrir aux juges ecclésiastiques. Bien entendu, des choses pareilles sont impossibles. C'est que vous voyez, pour Saint Grégoire, se connaître soi-même, c'est pas du tout la même chose que pour, je sais pas, je veux dire un énorme anachronisme, que pour Jean-Jacques Rousseau. C'est-à-dire, c'est pas raconter ce qui fait qu'on est un individu différent des autres. Parce que ça, c'est le péché. Hein. En revanche, se connaître soi-même, c'est revenir à la forme primitive d'Adam, au modèle idéal de l'homme. Et donc, dans ce point de vue, ce qui s'est passé, au fond, entre, on ne sait pas exactement, entre 945 et 1003, à l'intérieur du monastère de Narek, près de Grégoire et de son frère Jean, qui avaient été mis dans ce monastère parce que leur père, devenu veuf, s'était fait évêque, eh bien, nous le devinons plutôt que nous ne le savons. Il n'a jamais quitté ce monastère, Grégoire. Alors, il n'a jamais quitté ce monastère, mais vous savez, il ne faut pas imaginer que c'était quand même une prison tout à fait à parois étanches. C'est-à-dire qu'on devine qu'en réalité, peut-être lui-même n'en sortait pas, hein, mais on venait le voir. Et il savait tout ce qui se passait à l'extérieur. Et en particulier, il avait les plus hautes relations avec la famille royale de Vaspurakan, avec l'ensemble, de, on peut dire, des ecclésiastiques de son temps. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais lire un extrait du livre des Lamentations. Pour ceux de nos auditeurs qui ne sont pas très familiers avec l'œuvre de Grégoire. « J'ai péché à ta grande bonté, moi, le vil, j'ai péché. J'ai péché à toi, source des rayons. » Moi, ténèbres, j'ai péché. J'ai péché à ta grâce infinie. En vérité, j'ai péché. J'ai péché à ta haute charité. Ouvertement, j'ai péché. J'ai péché à toi qui m'as créé du néant. Réellement, j'ai péché. J'ai péché à ton sein de suprême tendresse. Immensément, j'ai péché. J'ai péché à ta douce et intarissable lumière. Moi, le perfide, j'ai péché. Alors, Grégoire considère la poésie comme un élément créateur. Comme un élément créateur, sûrement, parce que ça permet de participer à cette pénitence qui est une nouvelle création de l'homme. Et voyez que ce texte que vous venez de lire intervient à un moment décisif. Livre de lamentation. Le problème, vous voyez, c'est que les pécheurs, quand ils entreprennent, quand ils prennent conscience de leur péché, ont l'impression que tout est déjà perdu. Et justement, ces mots qu'il dit être frères du baptême, ce sont ceux qui permettent, au dernier moment, alors que tout est perdu, d'obtenir un espace de grâce supplémentaire qui va permettre de changer et de devenir meilleur. Venons-en à votre propre intervention, Jean-Pierre Mahé. Vous avez parlé de l'ecclésiologie de Saint Grégoire de Narek. Oui, alors on rejoint tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure sur les Tondrakiens. C'est-à-dire que les Tondrakiens contestent radicalement l'Église en tant qu'institution. C'est vraiment pour eux tout à fait inadmissible. C'est quelque chose qui s'interpose en quelque sorte entre le Christ et le fidèle. Et au contraire, pour Grégoire de Narek, l'Église de son temps a des défauts que il est tout à fait capable de percevoir. Son père, d'ailleurs, avait écrit des livres extrêmement sévères sur les différents dévoiements que pouvait connaître la conduite de certains ecclésiastiques. Mais si on supprime l'institution sous prétexte de corriger les défauts, on perd, si vous voulez, toutes les grâces de l'incarnation. Alors, par conséquent, tout ce qu'il a fait, ça a été le moyen, si vous voulez, de régénérer l'Église de l'intérieur et de bâtir une Église qui est plus spirituelle que l'Église institutionnelle qu'il connaît. Alors, d'une certaine façon, vous voyez, le livre de Lamentation, qu'il écrit est peut-être considéré dans son ensemble comme une église. C'est-à-dire qu'il est très net que c'est un recueil qui se divise en trois parties, que la première partie, elle est semblable au vestibule de l'église, le narthex ou le gavit, et que c'est là qu'on doit confesser ses péchés. Et puis après, on embrasse la porte de l'église. On dit la règle de foi, on pénètre à l'intérieur et là on reçoit les sacrements, on reçoit la communion et puis après, bien, on regarde aussi ce qui se passe sur l'autel. Mais vous savez que l'autel arménien est fermé par un rideau. Ouais. Et ce qui est derrière ce rideau, c'est les fins dernières et la vie future. Donc en fait, en pratiquant les prières du livre, on construit une église invisible et qui durera toujours. Et alors cette église, elle a une caractéristique. D'abord, c'est que personne ne peut la détruire, parce que tant que les gens Il y aura des lecteurs pour le livre, cette église persistera. Et deuxièmement, contrairement aux églises des princes ou des rois qui dépensent des sommes d'argent absolument extraordinaires pour bâtir cela, et qui ou alors les riches marchands qui donnent de grosses sommes d'argent ou des domaines entiers pour obtenir des messes funéraires, bien celui qui priera en lisant le livre, il priera en même temps pour tous les autres, et tous les autres prieront pour lui gratuitement jusqu'à la fin des temps. Donc, en réalité, sans nier du tout l'Église institutionnelle, en montrant au contraire l'efficacité des sacrements, il montre que cette Église n'est en quelque sorte que le vêtement matériel de quelque chose qui est plus spirituel et qui existe depuis, pense-t-il, les origines du monde. C'est ainsi qu'il fait l'éloge du Saint-Crème. Ah oui, c'est ainsi qu'il fait l'éloge du Saint-Crème. Évidemment, le Saint-Crème, c'est très symbolique. Pourquoi ? Bien, parce que d'abord, ça symbolise les grâces de l'Esprit-Saint. Et puis alors, d'une certaine façon, vous savez que dans une petite bulle de savon, on peut voir toutes sortes d'images qui se reflètent. Eh bien, dans une seule goutte de Saint-Crème, vous voyez l'écriture sainte tout entière, hein, qui est transmise par cela. Et puis, en même temps, c'est l'unité de l'Église, puisque, vous le savez, c'est la distribution du Saint-Crème par le catholicos qui permet aux différentes églises arméniennes de se retrouver. Le catholicos s'appelle sa sainte onction, n'est-ce pas, Nera surp otsnutyun. Et en cela, il se révèle vicaire du Christ, puisqu'en fin de compte, le Christ, c'est celui qui a été oint. Et évidemment, le Saint-Crème, c'est l'onction du Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Alors, Grégoire de Narek prend les sacrements l'un après l'autre, d'abord l'Eucharistie. Oui, alors moi je préférerais, si vous voulez, peut-être que j'ai pas été aussi sage, mais entre-temps j'ai travaillé sur une œuvre de jeunesse de Grégoire de Narek, qui est le commentaire sur le Cantique des Cantiques, qui a été publié en 977. Et alors je me suis aperçu que cette œuvre, qui est très souvent sous-estimée, en réalité dit en clair tout ce que toutes ces idées théologiques qui apparaissent d'une façon un petit peu poétique, on peut dire, dans le livre de Lamentations. Alors, en particulier dans le commentaire du Cantique, ce qui est important, c'est que la fiancée qui est noire mais belle, n'est-ce pas, a ensuite été, comment dire, lavée de ses péchés. Donc, le baptême, si vous voulez, vient en premier lieu, et évidemment, l'Eucharistie, c'est la fin de la vie sacramentale. Il y a le baptême, il y a l'onction, il y a l'Eucharistie. Hein, c'est certainement cet ordre-là. Hein, alors, puisque vous parlez du Cantique des Cantiques, vous pourriez peut-être aussi nous dire quelques mots sur d'autres œuvres de Grégoire de Narek, notamment l'histoire de la Sainte Croix d'Apparenque. Ah, l'histoire de la Sainte Croix d'Apparenque, c'est très curieux. En apparence, c'est une œuvre de circonstance, c'est-à-dire que vers 986, un certain prince Zapranik de Mok, qui était un voisin du Vaspurakan, réussi à attirer l'attention de l'empereur byzantin. Comment est-ce qu'il s'y est pris ? Il, en partant de chez lui, il avait emporté un petit peu de la terre du tombeau de son oncle David, qui était mort d'une façon tout à fait édifiante, et grâce à cette terre, il opérait des guérisons. Alors, il obtient un titre de cour à Byzance, à cause de cela, il devient manclavites, enfin, c'est un titre ronflant, si vous voulez, mais qui plaçait à un certain niveau, qui faisait de lui un familier de l'empereur, et une relique de la Sainte Croix. Et alors, pour cette relique de la Sainte Croix, on va construire toute une église extraordinaire dans les montagnes d'Arménie, église qui, malheureusement, est aujourd'hui en bien piètre état, mais dont la chronique de Grégoire nous décrit tout le décor peint qui était aussi fastueux probablement que celui d'Artamare. Et là-dessus, comme ça ne suffisait pas, eh bien, il fait un panégyrique de la Sainte Croix qui a reçu le Seigneur, et aussi de celle qui a conçu le Seigneur, c'est-à-dire la Mère de Dieu. Et ce triptyque, hein, la Sainte, l'histoire, la Sainte Croix, le panégyrique, c'est évidemment encore une des œuvres théologiques les plus importantes de Saint Grégoire. Alors, tout à l'heure, vous parliez des sacrements. Il n'y a rien sur le mariage. Ah, ben, alors la question est de savoir si le mariage est un sacrement. Hein, ça veut dire que vous savez que dans l'Église d'Occident, l'Église a toujours béni, hein, le mariage des chrétiens. Mais quant à dire que c'était un sacrement, ça s'est décidé, disons, au 11e, peut-être même pour certains canonistes, au 12e siècle. Alors, Saint Grégoire est dans cette position, c'est-à-dire que il fait remarquer au Tondraquien que Jésus a tenu à être présent aux noces de Cana, qu'il a honoré les mariés, mais il se garde bien de dire que le mariage est un sacrement. Et pourtant, c'est son opinion personnelle, parce que il est persuadé, il y a même une idée extraordinaire, hein, c'est que Adam savait très bien quand il allait manger la pomme que ça lui attirerait des ennuis. Mais pourquoi il en a mangé? Parce que Ève en avait déjà mangé et donc elle était perdue et il n'a pas voulu la laisser tout seul. Donc un geste d'amour. C'est un geste d'amour. Donc en quelque sorte le mariage avait été institué par Dieu. Et d'une certaine façon, en écrivant un chant de mariage, Salomon a voulu annoncer, il a même annoncé effectivement l'incarnation qui est un mariage de Dieu avec l'humanité. Eh bien, ne serait-ce que pour cette raison, parce que le Christ est l'époux et l'Église est l'épouse, le mariage est un sacrement. C'est ce que murmure, on peut dire, Saint Grégoire de Narek, tout en se tenant un petit peu en retrait, parce que ça n'est pas la foi commune de l'Église, ça n'est pas quelque chose qui est encore tout à fait consacré à son époque. En revanche, il y a deux sacrements dont il parle beaucoup, c'est l'ordination et la pénitence. Alors, la pénitence, c'est peut-être le point le plus important, parce que, bien entendu, au sens, pour Saint Grégoire, il y a un écart absolument infini entre Dieu et l'homme, et par conséquent, on peut pas, penser à Dieu sans se considérer comme pécheur. Si on n'avoue pas ses péchés au Dieu de miséricorde, eh bien, d'abord, on n'a besoin de rien, puisqu'on n'a pas péché, on est très bien. On n'a pas besoin d'être sauvé, on n'a pas besoin du Christ, on a besoin de rien. Hein. Mais alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que le Christ a pardonné à des gens dans l'Évangile. Pour un seul geste, pour un seul moment, d'une façon tout à fait souveraine, parce que, mettons, telle personne a fait un geste de foi, donc, alors cette chose-là peut arriver, mais naturellement, l'Église conserve évidemment le pouvoir, en fin de compte, de remettre les péchés, et Saint Grégoire, à une époque où il y a des hésitations dans l'Église arménienne entre savoir s'il faut une confession collective ou une confession individuelle, Saint Grégoire est sûrement celui qui, favorise la confession individuelle comme une démarche de parole avec Dieu. Si vous m'autorisez, je vais lire encore un autre extrait du livre des Lamentations. Que vienne ton pardon, ô toi qui à tous dispense vie. Que s'élève ta lumière, qu'arrive ta rédemption. Que nous parvienne ton secours, que soit avancée ta visite. Que point ne soit retardée la rosée de ta charité. Qu'elle couvre et abreuve le champ altéré de mes eaux, par malheur précipité dans le gouffre de la mort. Que la coupe divine de ton sang, ô toi le vivifiant, ensemence ma terre préparée pour le jour de la lumière. Ce sang inépuisable est pour toujours offert en sacrifice. Oui, c'est-à-dire que le livre de Lamentations est un livre qui est censé retentir indéfiniment jusqu'au jugement dernier. C'est-à-dire que Grégoire, évidemment, écrit ce livre et parle en quelque sorte une fois historiquement à Dieu, mais au moment même où il parle, où il est vivant, Dieu le voit déjà Le foie avant sa naissance et après sa mort, si je puis dire. Et d'autre part, des milliers de lecteurs vont répéter le livre indéfiniment jusqu'au jour du jugement. Et c'est cela qui est, au fond, exprimé, c'est cette voix d'outre-tombe qui est censée être l'ouvrage, le livre de Lamentation. Avec une église triomphante. Avec une église triomphante qui est à la fois... Enfin, qui est le corps du Christ et qui est à la fois donc matériel et spirituel. Alors, Peter Hans Kovenbach, qui est le préposé général de la Compagnie de Jésus, avait accepté de tirer les conclusions du colloque. Vous voulez nous en dire un mot pour terminer ? Oui, nous sommes d'abord, nous avons été très très honorés d'avoir une si haute autorité de l'Église qui manifeste son intérêt enthousiaste pour l'œuvre de Grégoire de Narek. Et alors que aussi, c'est un arménophile. Oui, bien sûr, ça je le sais. Je l'avais interviewé un jour et il m'avait dit que tous les matins il disait la messe en arménien. Selon le rite arménien. Je crois qu'il continue, qu'il continue de le faire, qu'il dit ses prières en arménien. Il avait fait sa thèse sur la traduction arménienne de la Bible. Je crois qu'elle a péri victime des bombardements de Beyrouth. Hein, et donc, il n'a pas eu le courage. L'ordinateur à ce moment-là probablement n'existait pas. Il n'a pas eu le courage de la faire. Mais pour en venir, je crois qu'il a souligné un point très important, c'est que Grégoire de Narek est bien reconnu comme poète. Mais d'une certaine façon, le poète a nuit aux mystiques et aux théologiens. C'est-à-dire que on a dit c'est un poète, c'est surtout beau, regardez. Bon, ce sont des qualités esthétiques qui empêchent de prendre au sérieux la pensée de l'auteur. Or, plus on étudie cette pensée, et plus on s'aperçoit qu'elle a une véritable profondeur théologique. Alors justement, c'est un docteur de l'Église au plein sens du terme, en son sens que l'Église est au centre de sa réflexion, mais on s'aperçoit qu'une œuvre comme le commentaire sur le Cantique des Cantiques comporte une réflexion très très importante sur l'amour, sur Eros et Agapé, qui est au moins suffisamment une question suffisamment importante pour que le pape Benoît XVI ait récemment publié une encyclique sur la question. Et là, Grégoire a certainement son mot à dire. Une réflexion trinitaire, parce que la réflexion sur les trois vertus théologales qui tient une très grande place, eh bien, débouche sur les trois personnes de la Trinité, et ça ressemble un petit peu, sous un tout autre ton, à ce que saint Augustin a fait dans son De Trinitate, quand il a pris les images de l'âme pour représenter la Sainte Trinité, et puis, en même temps, peut-être une pensée mariologique qui est très originale. Alors, bien sûr, il ne faut pas faire des anachronismes et dire, par exemple, je ne sais pas, le dogme de l'Immaculée Conception est déjà dans Grégoire de Narek, ou bien... Bon, alors, évidemment, ce genre de choses ne peut pas s'être produit à cette époque. Mais il y a, disons, sur le ton du panégyrique, sur le ton de la mystique, des intuitions extrêmement fortes, si vous voulez, sur la Mère de Dieu. Peut-être même, le père Lannes ne l'exclut pas, peut-être même croit-il, ce qui est pas courant à son époque, à l'Assomption de la Vierge. Donc, et puis on parlait tout à l'heure du mariage. Donc vous voyez que sous cette œuvre très poétique, il y a de très grandes avancées théologiques et surtout une pensée qui domine de très fort, on peut dire, la réflexion scolastique de son temps. Bien, je rappelle que nous avons consacré cette émission de ce matin aux actes du colloque international sur Grégoire de Narek, théologien et mystique, et je vous remercie, Jean-Pierre Mahé, d'être venu nous en parler, comme je remercie Annick Brien et Brigitte Mazire qui ont réalisé cette émission de Foi et Tradition de Chrétiens Orientaux.